Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis en ce lundi 14 janvier 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est François-Olivier. Et c'est notre première vraie semaine de l'année à nous. Exactement. Tu sais que quand tu commences l'année avec une semaine de 3 jours, là, la deuxième à 5 jours va avoir la longue tabarnouche. Interminable. Désolé pour vous de vous l'apprendre. Donc, bienvenue à cette émission matinale en pièces attachées. Aujourd'hui, on a une des plus grosses émissions qu'on a jamais eues jusqu'à maintenant, François-Olivier. Oui, tout à fait. C'est vrai, on a vraiment beaucoup de monde à recevoir. Ça va commencer à 7h30 avec Simon Fitzbé. Oui, ça va avoir l'air peut-être d'une reprise de jeudi. Oui, parce qu'il est avec nous. Ouais, et Alexandra Carignan aussi. C'est vrai. Et Alexandra va être avec nous ce matin aussi. À 8h30, donc. Sinon, entre tout ça, on va avoir Sébastien Dulude à 8h20 environ. Il va faire son devin en nous disant notre horoscope culturel pour l'année 2013. C'est dans sa chronique « Va voir ailleurs, j'y suis ». Et on a tassé un petit peu Sébastien vers l'avant, on l'a repoussé parce qu'à 8h, on a quelque chose de spécial pour vous, pour toi aussi, François-Olivier. J'ai travaillé là-dessus. Hein, pis, j'ai travaillé là-dessus. C'est l'excellente chaîne télévision Canal E. Le canal E qui nous présente un petit quelque chose pour la 500e émission d'Assemblage requis. Ce sera vers les 8h. On va le mentionner jusque-là comme c'était la plus grosse affaire qui a jamais existé. On aura aussi en tout début d'émission dans quelques minutes la chronique Television qu'on a commencé la semaine passée avec les nouvelles télé du moment. Mais pour l'instant, on commence avec une pièce de Madame Moustache. C'est sur leur plus récent album et ça s'appelle Roméo et Juliette à l'instant. Sur C'est fou. 89 FM, la radio campus de Trois-Rivières, parce que 500 d'émissions, là. Ça se fait en grès. Ça en fait des erreurs techniques, ça. Oh, oh, oh, oh, oh. Je pensais que ce serait différent. Tu me promettais pas la lune. Oui, Lafayette, c'était tentant. Je me sentais vraiment comme quelqu'une. Mais quand t'as vu mon GPS qui pointait pas vers la frontière, tu m'as trouvé un peu BS. De laisser ton cœur choir à terre. J'ai vraiment cru à une erreur. Tu m'as dit, voyage, t'as une heure. Je rêvais des soins de Véloxy. Puis y'a même pas de Ralphie chez Manny. Même au galop, tu trottes mon âme. Penses-tu vraiment que je trouve ça le fun? Quand j'ai embarqué dans ta bandouette, c'était pas en direction de Joliette. Tous les détails étaient scellés. Vous alliez taper un record. T'allais être une reine acclamée. Tu me ferais pitcher des lingots d'or. Pourquoi t'arrêter de croire en moi? Qui avait tout misé sur nous? Je vais te mettre en feu, t'es fait en bois. Y'a pas de roulette à mi-genoux. Mais dans ta tête, oui, ça pédale. Tu cherches des jolies issues de secours. Tu vas me rendre au sud comme une cigale. Toi et Joliette, reste pour toujours. Même au galop, tu trottes mon âme. Penses-tu vraiment que je trouve ça le fun? Quand j'embarquais dans ta barouette, je pensais me sourire un petit peu de frette. Je pensais me sauver un petit peu de fête. Patrick et Speed the Collapse. Assemblage requis, une pièce sur le palmarès anglophone de C'est fou, une pièce que t'aimes, François? Ah, j'adore ça. C'est bon, Patrick? Ah, tout à fait. Tu te trompes pas en mettant du Patrick le matin? Non. Pendant le matin, il est 7h10. C'est de bonne heure. Ouais, c'est de bonne heure. Et le lundi matin, ben, tu sais, des fois, ça peut être bon de parler de télévision, tu sais? Ben oui. Parce qu'à un moment donné, il faut bien savoir ce qui se passe un peu, là, dans la boîte à con. La boîte à con? La boîte à con, je sais pas. Voici Television. Television, devinez, c'est la chronique qui parle de quoi? Ben oui, de télévision. De télévision. De télévision aussi. Aussi des fois de radio, tu sais, des médias, mais tu sais, en général, la télévision, c'est okay. Pas mal le sujet. Les téléspectateurs vont retrouver Carrie Bradshaw à l'aube de sa vie à partir du 14 février. La date est sortie et la chaîne CW va débuter à cette date la série de Carrie Diaries, préambule à sexe à New York. Le public pensait tout savoir de la célèbre New-Yorkaise, philosophe des relations amoureuses et fan de mode, grâce à une série de 6 saisons diffusée sur HBO entre 98 et 2004 et 2 films au grand écran. Mais le téléspectateur ignore toute sa vie avant qu'elle ne tombe amoureuse de Manhattan. Donc, ce que ça nous dit, c'est que ça va être sa vie de vierge. De vierge. Et avant qu'elle rencontre Miranda, Samantha et Charlotte et l'homme de sa vie, Mr. Big, donc ils seront tous pas dans la nouvelle série. Okay. Pour détonner un petit peu quand même pour les fans qui s'attendaient peut-être à avoir, je sais pas, une apparition spéciale de certains de ces personnages-là. CW va réparer cet oubli avec The Carrie Diaries, série qui s'attardera sur l'adolescence de l'héroïne. En 1984, alors âgée de 16 ans, Carrie Bradshaw va quitter sa nouvelle Angleterre natale et sa fade existence pour Manhattan grâce à son père, qui lui obtient un stage pendant l'été dans un cabinet d'avocat. Son goût déjà prononcé pour la mode lui permettra de se faire remarquer par Larissa, une journaliste d'Interview Magazine, à une rencontre qui va changer le cours de sa vie. L'eau de tâche qui repose sur les épaules de la jeune actrice Anna Sophia Robb, qui va succéder à Sarah Jessica Parker, ou précéder, si on... élaboré par les créateurs de Gossip Girl, Josh Schwartz et Stephanie Savage, série qui repose sur l'œuvre littéraire de Candice Bushnell, le journal de Carrie, qui avait déjà nourri Sex and New York à l'époque de HBO. Donc, allez voir la bande-annonce sur assemblageriki.com. C'est bon de savoir que ça commence en février. Il me semble que c'est pas une date très, très... il me semble que quand une série commence à l'hiver comme ça, d'habitude, ouais, c'est rare que ça marche super longtemps, mais on va voir. Maintenant, parlons de Mike Tyson. Qu'est-ce qu'il a fait? Petit changement de sujet. L'ancien boxeur décroche son premier vrai rôle à la télé, selon Deadline.com. Ah ouais. Mike Tyson va incarner un meurtrier dans le couloir de la mort pour la série policière La Loi et l'Ordre, crime sexuel. L'ex-champion du monde de boxe des poids lourds campera Reggie Rhodes, assassin et condamné à la peine capitale dans l'attente de sa sentence. Lors d'une enquête de service spécial des victimes, son cas attira l'attention de l'inspecteur Olivia Benson et de l'avocat Bayard Ellis. Ces derniers pensent que ses actes violents seraient la conséquence d'une enfance traumatisante. On dit que c'est pas la première fois que Mike Tyson apparaîtra dans une série. Madame est servie. Tu te rappelles, Madame est servie? Non. Tony Denza, non, à TVA dans le temps. Entourage et Breaking In ont déjà accueilli l'ex-star du ring dans son propre rôle. La Loi et l'Ordre crime sexuel sera cependant le premier à lui proposer un vrai rôle. Donc un rôle d'acteur et non pas son propre rôle. Il avait joué d'ailleurs dans Lendemain de veille. Hein? Oui, Hangover. Ouais. Mais encore une fois, ça c'était son vrai rôle. C'était son vrai rôle. Ouais, mais ouais. Peut-être ambitionné ou caricaturé. Ouais, un petit peu, là. Du moins, j'espère pour lui. Je sais pas, là. L'épisode avec Mike Tyson sera diffusé au cours de la 14e saison qui reprendra le 30 janvier sur la chaîne NBC. La chaîne de télévision canadienne City a donné le feu vert à Mother Up, une nouvelle comédie animée destinée à un public adulte. Ça va être produit par Breakthrough Entertainment, qui ont fait Less Than Kind et Rocket Monkeys. Ça, c'est une nouvelle émission à Télétoon, si je me rappelle bien. Et Bardell Entertainment, qui a fait Lala's Adventures. Je pourrais pas vous dire. Les 10 épisodes de 30 minutes mettront en vedette Eva Longoria de Desperate Housewives pour une série canadienne animée. C'est quand même pas si pire. Dans le rôle de Rudy Wilson, une productrice de musique qui se retrouve dans, sans emploi et célibataire, qui se voit obligée d'aller vivre en banlieue et élever ses enfants. La nouvelle série animée sera lancée à l'automne sur City et sur Hulu aux États-Unis. L'émission est le genre de comédie diffusée en prime time qui a fait le succès de City, explique Claire Freeland, la directrice de la programmation chez Rogers Media, qui est la maison mère. Mother Up est développée par Rogers et coproduit par Breakthrough et Bardell en association avec Mass Animation, une compagnie américaine. Peut-être pour ceux qui ont réussi à avoir une vedette américaine comme ça. Eva Longoria est coproductrice déléguée avec Yair Lando et Susan Purcell. Le mois dernier, d'ailleurs, City a donné le OK aux docu-séries Tequila Roadhouse et une nouvelle série animée pour enfants Space Stretch. Donc, quand même, je suis content de voir des séries originales canadiennes parce qu'à un moment donné, au Canada, les chaînes ne passent que des émissions américaines et ça m'énerve. Ouais. Tu sais, quand ton top 20 est composé de séries américaines. Non, c'est sûr. Le 7 janvier dernier, lors d'un journal télévisé suédois de la chaîne TV4 News, je sais pas si t'en as entendu parler, une scène de film porno mettant en scène l'actrice Lisa Ann a été diffusée durant les 10 premières minutes par erreur sur un écran de télévision se trouvant à l'arrière-plan derrière les présentatrices du journal. Ouais. Les téléspectateurs étaient choqués de voir la vidéo porno hardcore sur les moniteurs en arrière-scène pendant un segment politique qui parlait du climat de guerre qui a lieu en Syrie. Ça les concentre, maintenant. Un petit peu, hein. Le téléspectateur, les animatrices ont l'air de vraiment pas être au courant du tout. Le film a joué pendant plus de 10 minutes avant que les gestionnaires soient alertés et que le film soit arrêté. Je croyais que je voyais mal, mais ça devenait de plus en plus clair quand je me suis aperçu de comment il bougeait, explique un téléspectateur. TV4 appartient à un réseau qui détient plusieurs chaînes télé et les salles de nouvelles sont souvent branchées sur ces chaînes qui sont elles-mêmes branchées sur un ordinateur central. Donc, il n'y avait personne d'assis à regarder le film. Le gestionnaire de TV4 News a dit ça. Le film a été diffusé par erreur et nous l'avons fermé aussitôt que ce fut possible. Ça n'aurait pas dû arriver. Allez voir l'extrait sur assemblagerequis.com. C'est cocasse. T'sais, j'avoue que les chaînes diffusent des choses au hasard. Ben, pas nécessairement au hasard. Ils choisissent les postes d'habitude. Ouais. Je sais pas ce qui s'est passé pour que cette télé-là change de poste. Mais bon. Une blague, peut-être. Là. Peut-être. À l'interne. Là. Ah, ça a fait rire toute l'équipe. Je suis que quelqu'un se fasse renvoyer, peut-être. On sait pas. L'histoire le dit pas. Les fans de la série Arrested Development retrouveront le sourire au mois de mai. C'est confirmé. Netflix annonce la disponibilité de la quatrième saison. On appelle ça quatrième saison, même si l'équipe elle-même dit que c'est pas la quatrième saison. Je sais pas trop pourquoi elle dit ça. La vie excentrique de la famille Bluth en déroute, depuis l'arrestation du patriarche pour abus de biens sociaux reprendra son cours pour dévoiler 14 épisodes entièrement inédits et non pas 10. Et là, c'est qu'ils vont les diffuser. Ben, ça va être diffusé tout en même temps sur Netflix. Netflix qui est un système de vidéos sur demande. Donc, tu vas pouvoir regarder les épisodes dans l'ordre que tu veux, okay. Quand tu veux, au complet, semaine par semaine. Tu sais, il y a des gens qui disent que ça aurait dû sortir semaine par semaine pour créer un engouement et que les gens en parlent sur les réseaux sociaux pendant 14 semaines de suite. Mais Netflix a décidé de les mettre tout en même temps. Donc, quatrième saison qui va marquer le retour de l'intégralité de la distribution originale. Donc, Jason Bateman, Michael Cera, Will Arnett, Portia de Rossi et un paquet d'autres. Mais cette nouvelle vague prendra une forme différente des précédentes saisons. Chaque épisode se centrera sur l'un des personnages. On avait déjà un petit peu décrit le principe, là, mais un personnage va être le roi de chaque épisode. Ça va être construit selon le point de vue de chaque personne. Une pirouette scénaristique que le créateur Mitch Hurwitz a dû trouver car elle ne pouvait pas réunir tous les acteurs en même temps, faute d'argent, malheureusement. La suite servira de passerelle entre la série qui a été annulée en 2006 par Fox après 3 saisons et un film qui devrait s'en venir, mais les rumeurs de films existent depuis des années. Netflix annonce l'arrivée d'une autre série originale pour le 19 avril prochain, qui est Hemlock Grove, émission d'épouvante par Eli Roth, celui qui a fait Hostel. La nouveauté suivra la recherche du meurtrier d'une jeune fille dont le corps mutilé a été retrouvé dans les bois de Hemlock Grove en Pennsylvanie. Encore une fois, les séries sur Netflix et autres vidéos sur demande comme ça, payant, c'est le futur, clairement. J'aime ça. Faut que tu payes. Ouais, tu payes par mois. C'est genre environ 10$ par mois pour okay. Netflix. Tu peux jouer ça sur accès... ta Wii, PS3, Xbox. Ça te donne accès à tout. Là. Toute la galerie, tous les films, les séries télé, le contenu canadien, contenu francophone sur Netflix. Il y a plein de choses. Tu ne dois pas en avoir bien de films francophones. Non, mais je suis pas abonné. Hein. Mais okay. Non, ça ne doit pas. Toi, tu as une petite boîte là à côté de ta TV. Oui, une Boxy Box. Ça, c'est ma préférée parce que je pullais mes médias de d'autres disques durs dans la maison sur mon ordinateur qui est au deuxième étage. Mais il y a d'autres Roku Box, d'autres Google TV, il y en a un paquet d'autres. Apple TV. C'est un genre. Tu sais, Apple TV, il y a beaucoup de gens qui aiment ça parce que ça coûte vraiment pas cher. C'est en tout de 100$ une seule fois. Ça, ce qui est le fun, c'est ça, c'est que t'as pas d'abonnement. T'as pas d'abonnement. Mais pourquoi non, Apple TV, non? Ben, c'est que tu peux pas aller sur tes médias de d'autres ordinateurs. Donc, il faut vraiment que tu sois synchronisé via iTunes pour jouer avec l'Apple TV. Et tu peux. C'est plus fait pour utiliser pour ceux qui achètent des films, achètent des émissions de télé, louent des films. OK, faut que tu achètes sur iTunes. Sur iTunes, c'est vraiment l'environnement iTunes. T'as pas le choix. Moi, je préfère avoir genre 5-6 disques durs dans le bureau en haut. Qui ont tout un nom différent, genre émission. Je vais dans émission, puis je vais dans mes séries que je me suis soit procuré ou que j'ai... ou que j'ai rippé de mes propres DVD. Donc, il y a plus de variété. Et ça, tu peux les lire avec ça. Ouais. Mais en même temps, écoute, ça peut-être l'air niaiseux, mais tu sais, si tu branches ton ordinateur avec, tu peux visionner sur ta TV aussi. C'est la même chose, c'est ça. C'est la même chose. La Boxy, dans le fond, ce que c'est un ordinateur Linux à genre 200$. Okay. Avec une télécommande, les pauses, etc. Et à l'endo, un clavier. Un clavier pour... Donc, tu peux aller sur YouTube, tu peux aller chercher des fichiers, tu peux aller sur Internet voir des chaînes de télé. C'est ça, c'est un ordinateur. C'est un ordinateur. Okay. Sinon, l'alternative à ça serait de brancher un ordinateur avec un fil HDMI et puis avoir une souris et un clavier. Sans fil. Sans fil. Ça se fait très bien, mais c'est juste plus encombrant. Tu peux trouver l'équivalent d'une manette de Boxy. Sur Internet. Là, en ce moment, je me rappelle pas du nom de la manette, mais je sais que ça existe en USB et Bluetooth. Okay. Une manette avec une souris dessus que tu peux utiliser avec ton pouce. De la grosseur d'une manette. Faudrait que je me rappelle du nom, là, mais ça, c'est cool. Mais je pensais que ça te donnait accès quand même à certaines des séries, des émissions relativement exclusifs à la machine. Là, on vient à Netflix. À Boxbox, mettons. Pas vraiment. Okay. T'as une certaine sélection. Ils vont te conseiller du contenu, des trucs comme ça. Okay. Mais non, c'est pas vraiment d'exclusif. Par contre, t'as des applications que les gens peuvent écrire. Par exemple, mettons, il y a une application Tout.tv. Donc, à la place d'aller sur Tout.tv, le site web, tu vas dans l'application Tout.tv, tu as l'ordre alphabétique des émissions, tu peux aller dans l'épisode de la saison 1, mettons, avec l'interface que quelqu'un a créée, qui est plus facile que d'aller avec ta souris sur le site web. T'sais. Comme vraiment l'application, là. Vraiment comme une application, mais faite par les gens de la vie de tous les jours. Ah, d'accord. Est-ce que je l'ai trouvé, finalement? Non, pas encore. Alors, je pensais l'avoir dans ces liens-là, mais c'est pas grave. Bref. Continuons toujours en parlant de télé dans la chronique Television. Une série télé pour M. Night Shyamalan Ding Dong. M. Night Shyamalan Ding Dong, celui qui a fait un paquet de films de peur, genre The Sixth Sense, des trucs comme ça. Tu te rappelles de lui? Sixième Sense, Bruce Willis, non? Ouais, bon. Bruce! Donc, la chaîne Fox a annoncé le développement de Wayward Pines, une série mystérieuse portée par M. Night Shyamalan. Constituée de 10 à 12 épisodes, la potentielle série mettra à contribution le sens du suspense du cinéaste révélé avec Sixième Sense en 99. Wayward Pines, ambitionne de relater la mésaventure de Ethan Burke, agent gouvernemental envoyé retrouver deux collègues disparus dans une petite bourgade au lourd secret. Monsieur Knight s'est inspiré du roman Pines de Blake Crouch pour cette série, vendu comme un successeur spirituel de Twin Peaks, un classique culte dans le genre. Donc, Wayward Pines s'ajoute à Proof et Lost Horizon au rang des projets télé du réalisateur en manque de succès artistique sur grand écran depuis Le Village en 2004. Toujours en format court, Fox a aussi jeté son dévolu sur Blood Brothers de Bruce McKenna, qui a travaillé sur The Pacific. Ce drame historique s'intéressera à la promotion de 1961 de West Point, une académie militaire qui est la plus prestigieuse des États-Unis. Si la série se concrétise, elle évoquera la rivalité de ces hommes de l'élite militaire déchirée par la guerre de Sécession. Parlons du retour de Two and a Half Men. CBS veut une 11e saison de l'émission de Charlie Sheen à l'époque, mais maintenant avec Ashton Kutcher. CBS veut une 11e saison, mais tout le monde n'est pas nécessairement signé. Donc, la présidente de CBS Entertainment, Nina Tassler, dit qu'elle aimerait que les gens sachent que Two and a Half Men pourrait potentiellement revenir en 2013-2014. Elle a aussi dit que Angus T. Jones, qui est le et demi de la série Two and a Half Men, qui est mon oncle Charlie en français, c'est sur V, entre autres. Donc, le petit bonhomme, le petit garçon qui a beaucoup vieilli, en novembre dernier, avait complètement chialé contre l'émission, disant de ne pas écouter cette émission-là, que c'était une grosse crotte, exactement, que c'est vraiment mauvais. Il s'était excusé plus tard et maintenant devrait revenir à l'émission dans la nouvelle saison. C'est pas sérieux, ben. Il a pas été fin. La vidéo est encore sur YouTube. Donc, ni Angus T. Jones, ni les autres acteurs, John Cryer et Ashton Kutcher, ont signé pour la prochaine saison jusqu'à l'instant. Pour l'instant. Évidemment, c'est comme ça la télé. Là, quand les contrats se terminent, il faut essayer de courir après le monde pour les re-signer. Et puis, c'est ça, c'est Chuck Lorre, le créateur de la série, qui a dit qu'il a pardonné à Angus T. Jones. Il lui en veut pas. Il dit, tu sais, on s'est arrangé, on s'est expliqué, puis ça devrait fonctionner. On va voir, on va suivre ça. Cougar Town, une sitcom qui joue à Mademoiselle en français, la future Moi et compagnie télé. Bref, Mademoiselle, qui s'appelle Bienvenue à Cougar Town avec Courtney Cox, qui jouait dans Friends à l'époque. Bref, Cougar Town a changé de chaîne aux États-Unis. Ils sont passés de ABC, un grand réseau, là, l'équivalent d'un genre de Soir Radio-Canada, TVA, quelque chose comme ça. Ils sont passés à TBS, une chaîne câblée, un peu comme, justement, mettons, Mademoiselle, tu sais. Donc, pour continuer de faire des épisodes, de nouveaux épisodes sur le câble, c'est très, très, très rare que ça arrive de passer d'un grand réseau à une chaîne câblée. Finalement, ça n'a pas eu les codes d'écoute qu'ils espéraient, même si la promotion est là, la série est aimée par la chaîne. C'est la raison d'ailleurs qu'ils sont déménagés chez TBS, c'est parce que la chaîne aimait beaucoup l'émission. Bref, les codes d'écoute, 2,2 millions de téléspectateurs mardi soir le 8 janvier pour sa première. Environ 60% des gens, donc 1,3 million, faisaient partie des adultes 18-49 ans. Pas de mauvais chiffre pour une comédie, mais c'est en bas de, entre autres, Men at Work et Sullivan and Son, qui sont des séries originales qui ont été créées par TBS, donc c'est bien malheureux. Rapidement sur celle-ci, CKRL, la radio communautaire, sauf ses 40 bougies. Est-ce que tu savais ça? Non. La première radio communautaire d'expression francophone du monde, sauf ses 40 chandelles, CKRL 89.1, réunira anciens et actuels animateurs, réalisateurs, recherchistes, auditeurs et amis de la station pour une soirée le 15 février à l'Espace Hyperion de Québec. C'est l'auteur, compositeur, interprète Antoine Graton qui va assurer l'ambiance musicale de l'événement, alors que l'ancien maire Jean-Paul Lallier sera président d'honneur des célébrations. Cocktail bénéfice à la chapelle du Musée de l'Amérique française, etc. En nom depuis le 15 février 73, C-Crawl! Contribue au développement de la culture québécoise par une conception originale et dynamique de la radio. Plusieurs vedettes ont commencé par là. François Pérusse, Alexandra Diaz et Claude Rajotte. Claude Rajotte a commencé à C-Crawl! Jimmy Kimmel chauffe les fesses à Jay Leno et David Letterman. Un autre gars qui a changé de case horaire cette fois-ci. Par contre, Jimmy Kimmel Live est passé de minuit 5 à, je crois que c'était rendu minuit, à 23h35 pour affronter Jay Leno et David Letterman. On en avait parlé dans la précédente chronique. Donc, chaleureuse bienvenue de la part du public. Jimmy Kimmel était tête à tête mardi soir pour la première fois contre David Letterman et Jay Leno. Selon Nielsen, Kimmel a dépassé Letterman et a eu un peu moins de téléspectateurs totaux que Leno. Je crois que tous les téléspectateurs de Jay Leno sont des totos, mais bon. Mardi, Jimmy Kimmel a été regardé par environ 3 millions de téléspectateurs, seulement 167 000 de moins que le Tonight Show de Jay Leno. Jimmy Kimmel, qui était auparavant diffusé à minuit, comme on disait, après Nightline, maintenant Nightline a lieu après Jimmy Kimmel, l'émission de nouvelle Nightline. Et très, très, très rapidement, talk show pour la semaine en cours. Charlie Sheen, anciennement de Two and a Half Men, va être le 17 janvier. Non, pas le 17 janvier. Lundi. C'est ce soir. Voilà, lundi soir. Okay. Charlie Sheen David Letterman. Voilà. Sinon, vendredi, Kevin Bacon. Mercredi, Jay Leno va accueillir Mark Wahlberg pour son film Broken City. C'est lui qui a trois tétines, hein? C'est lui qui a fait trois tétines. C'est ce que t'as retenu de ce gars-là. Mais... T'as bien raison, ben c'est ça. Trois tétines, c'est pas tout le monde qui a ça, là. Sinon, Catherine Zeta-Jones est parmi les invités des talk shows. Allez voir la liste sur assemblagerequis.com. Jennifer Lawrence est à David Letterman. Il y aura aussi à Jay Leno. Jessica Simpson. Oui. À Jimmy Kimmel, il va y avoir entre autres Ray Romano, Ellen DeGeneres et un paquet d'autres gens. Et puis à Craig Ferguson, entre autres Kristen Bell. La belle Kristen Bell. Oh. Voilà pour Television pour aujourd'hui. Bon, c'est fait. Tout à l'heure, Simon Fitzbé dans quelques instants. Mais pour l'instant, on se prend une pause. OK. Puis on vient juste après. Simon Fitzbé, Simon Lumeur, vous déplaît. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage requis. Quand la pub dit comment utilisez-vous votre bounce, je pensais pas vraiment que tu portais ça comme pour sentir bon. Non, non, non, c'est pas moi, il était sur la table du studio. Une feuille de bounce dans le studio. Ouais. Quand on est arrivé, il était là. Étrange. White Horse avec Jane. François, avant d'accueillir Simon Fitzbé, nous reste à peine le temps pour entendre une pièce que tu nous dans la pièce, oui, Mumford & Sons et la pièce Broken Crown. Ah, sondage requis. Écoutons ça. Après ça, ben, si mon humeur vous déplaît, ben, mangez donc un bagel. Touch my mouth and hold my tongue. I'll never be your chosen one. I'll be home, safe and tucked away. Will you contempt me if I don't see the day? The pull on my flesh was just too strong. Stifled the choice in the air in my lungs. Better not to breathe and to breathe a lie. 'Cause when I open my body, I breathe a lie. Fuck! your broken crown, I can take the road and I can fuck it all away. But in this twilight, our choices seal our fate. La formation Mumford & Sons et la pièce Broken Crown. J'adore la formation Mumford & Sons. Ouais. Je vous conseille d'aller chercher l'album. En tapant l'épaule de Simon Fitzbé. Oui, moi, oui. Non? C'est pas ça? Ah, ben oui. Oui, ça. On adore Mumford & Sons. Les gars parlaient de hockey, effectivement. Tantôt. Mm-hmm. Je comprenais rien. J'étais comme, ah, ben oui. Ben, ah, c'est quoi? Ça joue avec une puck, ça. C'est ça. C'est ça. Puck you. Simon Fitzbé qui arrive pour une deuxième fois. Vous l'avez entendu jeudi dernier, c'était notre nouveauté dans notre mois de janvier épique ou janvier épique. Vous savez, mm-hmm. on a une nouveauté par jour. La nouveauté d'aujourd'hui va être plus tard et Simon est peut-être dedans, donc j'espère qu'il va vouloir rester avec nous un petit peu après. On l'accueille pour sa deuxième chronique. Simon Humeur, vous les plaît? Salut Simon! Bonjour! Ça va? Ça va très bien vous-même, messieurs. Ça fait du bien matin? Ouais, hein? Ouais? Mettre bonnement. J'ai essayé de choisir le thème le plus énergique que je pouvais trouver, okay. qui fitait avec l'émission. Très bien réussi. On va essayer. Ça va peut-être changer dans les prochaines semaines. C'est question de vraiment choisir ce qui sera le mieux. Pour ton humeur. Pour mon humeur. Évidemment, parce que c'est ça l'idée de la chronique, c'est une chronique d'humeur. Exactement. Comme à chaque semaine, je vais venir vous parler un peu. Je vais venir chialer des fois. Je vais vous parler de sujets également qui me tiennent à cœur ou dont j'ai une opinion également à donner. Messieurs, le cirque médiatique, c'est quelque chose qui réussit sans cesse à m'omnibuler et à me surprendre. Après la fin du lockout de Canadiens, d'ailleurs, on va en parler à la prochaine chronique de celle-là. De Canadiens. On suit maintenant les péripéties autour du contrat ou du non-contrat de Scott Gomez qui captive l'attention, bien sûr, de nos médias. Malheureusement, pour nous, il y a des trucs beaucoup plus importants qui se passent dans l'actualité, mais qui risquent de perdre de plus en plus d'importance à l'approche de la nouvelle saison de Canadiens. Encore une fois, c'est la saison. Je mousse, tu sais, je prépare le agace. Ouais, je prépare le climax pour la prochaine fois. Vous avez probablement compris que je voulais vous parler de la course à la chefferie libérale. Hein? Ah, ben oui! Non. Bien que de voir trois. Non, mais tu sais, quand même, voir trois libéraux s'affronter, à savoir qui c'est qui est le plus interchangeable avec les deux autres et fidèle à l'héritage de Jean Charest, ça me divertit au plus haut point. Mais je considère qu'il reste encore des choses beaucoup plus importantes à traiter que cette mascarade d'hypocrite-là. En fait, l'hypocrisie dont je vais vous entretenir aujourd'hui est un peu plus souhaitable en politique. Je vais vous parler de l'engouement autour du mouvement de protestation Idle No More, qui est un mouvement grassroots qui est là pour protester de récentes politiques du gouvernement Harper, dont la loi C-45 transformant les cours d'eau, entre autres, les territoires protégés du Canada. Ça a été passé dans la loi Mammouth là, en décembre dernier. Et c'est le mouvement dont Teresa Spence, la chef d'Attawapiscat, est fondatrice et qui a gagné de l'intérêt auprès de la population, plutôt, particulièrement dans les dernières semaines, comme quoi qu'après avoir fini de manger comme des porcs pendant le temps des fêtes, ben là, on s'intéresse à quelqu'un qui ne mange pas depuis avant le début du temps des fêtes. Soudainement, d'ailleurs, les Blancs, pour la plupart, qui se sont jamais sentis concernés par les Amérindiens, commencent à arborer plutôt une plume, bien souvent rouge, et à parler et à prendre part, en fait, à des manifestations de support envers le mouvement « Idle No More », jamais vu, qui me ravit, mais qui me rend un peu perplexe. Loin de moi l'idée de dénoncer l'effort de solidarité de la population envers le mouvement, puisque je trouve ça vraiment génial. Il s'agit d'un rapprochement inespéré entre la population blanche et les Amérindiens. Un rapprochement qui est non seulement de jamais vu, mais qui pourrait être le début de quelque chose. Cependant, je peux pas m'empêcher de trouver l'exercice de solidarité un peu hypocrite. Parce que voyez-vous, d'être Amérindien, ça a jamais été bien perçu. En fait, non, ça a jamais, vraiment jamais été bien perçu. Que ce soit dans les premiers voyages des explorateurs en Amérique, lorsqu'on se demandait en fait si les sauvages, pour reprendre le terme historique, avaient un âme ou non, parce qu'on s'est vraiment posé la question à savoir si on se demandait si l'Amérindien était un être humain à part entière. Finalement, on a choisi que oui, mais ça a quand même pris du temps avant qu'on l'admette. On a choisi. Ils se sont fait dire qu'ils étaient des humains. Oui, ils se sont fait dire qu'ils étaient nobles. Donc, lorsqu'on les chassait également de leur terre, hein, question de s'y installer à leur place, l'homme blanc n'a jamais vraiment souhaité vivre ou collaborer avec l'Amérindien. C'est vrai, on les a toujours tassés. Ouais, c'est pas exactement. Des colons, là, tu sais. Non, c'est ça. On refuse même des fois de vivre justement en colocation avec eux autres ou en collaboration. Plus récemment, on a choisi entre autres des encadrés avec la loi sur les Indiens en échange de 4 $ symboliques et d'une médaille. Eh bien, on les met dans une réserve tout simplement. On les tient loin de chez nous, ces braves Premières Nations. Et d'ailleurs, on a également refusé d'apporter des changements au statut lorsqu'on a rapatrié la Constitution en 1982. Et on a même fait appel à l'armée lorsque les Mohawks ont voulu se faire respecter leurs droits ancestraux à Oka en 1990. C'est un peu incroyable. Vous comprendrez donc que je trouve un peu bizarre que soudainement, on recense les appuis d'une bonne partie de la population envers la cause amérindienne. Je sais pas vraiment si c'est après la grève étudiante qui est arrivée au printemps ou le principe de se dresser contre le gouvernement Harper également, mais il semble naturel aux Québécois et les Canadiens sensés de se joindre au mouvement de contestation. Je peux pas m'empêcher de trouver ça un peu hypocrite, mais soudainement, on semble être au diapason avec les Amérindiens. Oui, soudainement, parce qu'on s'est tu, en fait, toutes ces années-là que les Amérindiens se sont trouvés dans des situations qu'ils contestent aujourd'hui. C'est un peu de notre faute, dans le fond, ils sont dans leur situation. C'est pas juste nos ancêtres, c'est nous aussi. Non, c'est nous aussi, exactement. C'est quelque chose qu'on aurait peut-être dû régler il y a quelques générations, mais qu'au pire, on pourrait essayer de régler maintenant. On n'oublie pas non plus l'opinion dégradante de la part de certains gens qui parlent en fait d'Amérindiens comme des profiteurs, des BS de luxe. Un discours qui dépeint, entre autres, l'Autochtone comme étant un enfant qui use de sa situation pour toujours demander plus aux dépens des autres. Un discours dégradant qu'on doit décrier et qu'il faut absolument mettre derrière nous. Malheureusement, il y a toujours des imbéciles comme Éric Duhem pour insulter des nobles Indiens en traitant, entre autres, Teresa Spence de grosse qui avait besoin d'un régime. Il a vraiment dit ça en onde à la radio la semaine dernière. C'est incroyable. C'est tout un génie, ça. Ah, ça, c'est un grand génie. J'ai oublié de mettre le sang avant. Et j'ai vu, d'ailleurs, que tu avais posté un espèce de... Ben, pas une entrevue, là, mais... Un extrait audio, exactement. Il répond au téléphone à un brave travailleur qui l'envoie promener royalement. Ça peut lui faire du bien. Oui. Ça peut juste lui faire du bien. Ah, ben, c'est tellement un type dans toute sa condescendance. vraiment génial. On parle aussi également des états financiers nébuleux de la réserve. Des états financiers qui, curieusement, ont refait surface au moment où le mouvement I Don't Know More s'est mis à prendre de l'ampleur. On parle d'il y a 2 semaines là, où on préparait une rencontre avec le premier ministre et tout. Et comme j'ai dit, mon objectif est vraiment pas de diminuer le mouvement, mais plutôt de rappeler aux gens qu'il faut être conséquent dans son geste, dans ses gestes en fait et ses appuis. I Don't Know More risque de porter fruit à certains aspects du statut indien et dans celui du Canada et de ses ressources bien sûr. Cependant, il y aura un lendemain. Après cette bataille-là, nous serons encore 2 peuples à 100 000 lieues de l'un de l'autre. Nous devrions profiter de l'opportunité qui se dresse devant nous et de ce beau mouvement en élan de solidarité qui s'ensuit pour dialoguer entre nous, en fait, discuter. On doit cesser de nous voir en fait comme 2 groupes distincts et réaliser que nous sommes tous ensemble là-dedans. D'ailleurs, c'est un peu ce que représente I Don't Know More. C'est un combat politique pour la défense du bien commun de tous les Canadiens et Québécois. C'est pas juste les Amérindiens qui sont là-dedans, c'est tout le monde. Ouais. C'est protégé de nos territoires. C'est le moment de laisser tomber les préjugés alors que les Amérindiens refusent de rester indifférents. Il serait peut-être temps que nous aussi, on mette fin à l'indifférence et qu'on s'ouvre à nos frères et à nos sœurs autochtones. Et ce, pas seulement en contestation du gouvernement Harper, mais aussi pour l'avenir de nos nations. Je vous rappelle que le 28 janvier, c'est la journée mondiale « I Don't Know More ». Ben donc, il s'agit d'Elisapi Isaac avec la pièce qui se nomme The Love You Gave, qui se retrouve sur son tout dernier album Traveling Love. Excellent album d'ailleurs de cette musicienne Inou. Donc cette chanteuse Inou, et d'ailleurs les Inou se sont joints au mouvement de contestation I Don't Know More pas si longtemps. Est-ce que c'est tous les Autochtones en fait qui se joignent au mouvement? Ça se fait de nation en nation, en fait. Là, okay. Chacun est libre de... Oui, exactement. Parce qu'il y en a qui sont allés, discuter avec le premier ministre Harper la semaine dernière et le gouverneur général. Il y en a d'autres qui ont décidé de boycotter. La majorité supporte la chef Spence, mais il y en a qui veulent quand même être pour le dialogue d'ouverture. Indépendant, y aller. Selon eux, le chef, entre autres, des nations, des Premières Nations, dont le nom m'échappe vraiment, celui qui représente tout le monde, dans le fond. Okay. Le grand chef. Grand chef, dans le fond, des Premières Nations, lui a rencontré Harper et compte le rencontrer aussi dans les prochaines semaines. Mais lui, c'est un peu une job, justement, de lobbyiste politique qu'il a, donc c'est normal qu'il les rencontre, mais il y en a beaucoup qui sont quand même déçus du fait que que Mme Spence, entre autres, ait refusé de rencontrer. D'ailleurs, le chef de l'opposition officielle, Thomas Mulcair, a demandé à Theresa Spence d'arrêter sa grève de la faim puisqu'il considérait qu'il y avait eu des bonnes avancées. Mais elle a décidé de continuer encore jusqu'au bout. Ouais. Est-ce qu'elle va arrêter? Suspense, hein? Oh. Hein? Non? C'est un bon jeu de mots. Merci, oui, oui. À propos. Contrairement à celui que je voulais faire tantôt en disant que ta chronique était inoubliable. C'est celle-là, je l'ai pas fait. Hein. Parce que sinon, ça aurait été bien trop facile. Hein? Merci, Simon Fulbert. Merci à vous. Hey, un plaisir de te voir le lundi matin. Ben, toujours. Un plaisir d'être de retour. Te retrouver après une si longue absence, donc on te retrouve lundi prochain à 7h30. Ouais, et on va parler de hockey. OK! En fait, on va parler de non-hockey. Le non-hockey? Le non-hockey. Le non-hockey ou du non-hockey? Le non-hockey. OK. Le nom N-O-N? N-O-N. N-O-N. N-O-N. D'accord. Faut être clair. Est-ce que tu restes un petit peu avec nous, c'est ça? Oui. Parce qu'on a quelque chose de spécial qui s'en vient dans quelques minutes, en fait très très très bientôt. Pour l'instant, on écoute La Descente du Coude. Voici Généalogie sur C'est Fou.

Ça va bien, ça va bien. Trop long comme toujours mes affaires, mais c'est le même. Mais non. Ah oui. C'est le fun de rentendre ça, hein? Kiwan, en Kiwan. Kiwan, le beau Kiwan. Ben oui. Peut-être qu'un jour, il va revenir faire des chroniques. Ben oui, on sait jamais. On souhaite. On sait jamais. Donc c'est ça, Sébastien Dulude, au début de l'émission, tu faisais la chronique « Va voir ailleurs si j'y suis » et tu nous parlais un petit peu de sorties qui avaient lieu partout comme ça à Trois-Rivières. Je sais qu'il y en avait une sur Rouyn-Noranda dans l'émission qu'on a écoutée tantôt. C'est vrai? C'est vrai, c'est vrai. Et depuis ce temps-là, ça a un petit peu métamorphosé, c'est devenu un éditorial culturel ou un texte un petit peu juste sur la culture en général, pas nécessairement d'opinion, mais entre autres. Moi, ouais, c'est devenu une chronique plus libre au niveau du style, puis ouais. Ça se concentre sur la vie culturelle dans la région. Ça peut déborder un peu, mais ouais, on est plus dans l'édito, puis chronique un peu plus créative peut-être. Mais j'ai laissé les sorties à d'autres. J'ai vu qu'il y a plein de relèves à votre antenne, entre autres. On est vraiment bien informé à ce niveau-là. Donc, j'ai changé un peu la... Et c'est va voir ailleurs maintenant parce que j'y suis. Oui, entre parenthèses, j'y suis. Il est rendu là. Moi, ouais, c'est ça. C'est pas si il est là, il est là. Trouvez-moi. Juste à l'écouter. Donc, la voici, sa chronique, c'est « Va voir ailleurs, j'y suis ». Et aujourd'hui, Sébastien, tu nous présentes un horoscope assez particulier. Un horoscope, oui, ben pour l'année au complet, c'est ce qu'il y a de particulier. C'est comme l'almanach, l'almanach du peuple. C'est comme l'almanach. C'est pareil. J'étais frappé de la foudre divine des astres, puis je suis devenu astrologue, et puis j'ai décidé de vous présenter ça. Puisque une nouvelle année, c'est un nouvel horoscope, pas le temps de niaiser, hein? C'est seulement 2012, ça, de toute façon. On va oublier ça. Donc, voici donc votre horoscope de 2013, bonifié, juste un instant, merci. Bonifié d'inspirants exemples, je me suis dit que ça serait heureux d'avoir une douzaine de personnalités là, donc, qui ont les signes qui correspondent et des personnalités dont l'horoscope saura vous inspirer à devenir de meilleures personnes. Également, j'aime aussi préciser que je ne connais pas d'avance le signe astrologique de ces personnalités que je mentionne. Je les ai devinées donc par cette toute-puissance des astres qui m'a frappé et également parce que je suis balance, donc je suis intuitif, tu sais. Ouais, ouais, ouais, ouais. Bon, je me suis également un petit peu, mais juste un petit peu inspiré du excellent site easyvoyance.fr. Alors, on commence par les Verseaux. Ça s'en vient, c'est 20 janvier au 19 février. Le Verseau est doté d'une forte personnalité dont il se sert pour faire passer ses idées. Alors, nul doute qu'il s'agisse du signe de Nadia Ghazali, rectrice de l'UQTR de son métier. Le ciel se dessine pour les Verseaux sous la forme d'un nouvel et colossal organigramme du haut duquel vous trônez. On aime ça, les organigrammes, quand on est Verseau. La solitude est votre lot. Dès lors, ne vous attristez pas du fait que votre entourage professionnel vous déserte peu à peu. Et d'ailleurs, vous ne manquez pas d'air. C'est d'ailleurs votre élément. Donc, je vous suggère de garder la tête hors de l'eau quand le ministre passera collecter ses 5 millions de dollars qui font mal. Les poissons, maintenant, 20 février au 20 mars. Les poissons sont des personnes émotives et économes. C'est moi, ça, poisson. Ça existe, ça? Moi, je pensais qu'il y a juste ma mère qui était motivée. Les béliers, maintenant, du 21 mars au 19 avril. C'est un signe de feu et d'impulsivité. Et pourtant, vous êtes maladroit et étroit d'esprit. Alors donc, vous faites des petits feux de paille. De tout petits feux que vous allumez pour vous rendre intéressant constamment. On est un petit peu tanné de te voir tout le temps, genre là, trembler. Là. À un moment donné, là, tu vas allumer un feu un peu dur à contrôler, puis tu vas te brûler. Les taureaux, 20 avril au 20 mai. Persévérant, patient, Jean-Martin Hansan. Prends le Québec par les cornes, taureau. Évite de porter du rouge. Et puis, lâche pas. C'était pour Jean-Martin Hansan. Les gémeaux, maintenant, 21 mai au 20 juin. La personnalité du gémeau est simple d'apparence, mais difficile à décrypter en profondeur, si profondeur il y a. Le gémeau est facile à aborder, il aime faire des découvertes et apprécie la compagnie de personnes variées. C'est qui, vous pensez, le gémeau? C'est Curieux Bégin, voyons, tout craché. Un petit comique, hein? Mais passé pour gagner un prix Gémeaux, par exemple. Oublie ça, là. Fais-toi pas d'idée. On t'aimait pas mal plus à Télépirate. Oh. Bing! Les cancers. Le cancer, 21 juin au 22 juillet. Le cancer est paisible, il aime le calme. Les activités de détente, genre nous faire mourir. On t'emmerde, cancer. Laisse les gens qu'on aime passer une belle année. Oh. Ouais. Le lion, 23 juillet au 23 août. Le lion est ambitieux et fier. Par moments, le lion agit de façon élitiste et aime entourer de sa cour. Dans ces moments, il peut paraître arrogant. On manque pas d'exemples de lions célèbres. Moi, je pense spontanément à Yves Lévesque, Mike Ribeiro, Pete de Chambre-en-Ville, Denise Bombardier et Claude Poirier. Mais dans son cas, c'est fuck y'all pour l'élitisme. Hein? Vierge, 24 août au 22 septembre. Ordonné et cérébral, doté d'un grand sens pratique, très critique, obsédé par les détails, capable de tirer subtilement avantage de toutes les situations. Le pape Benoît XVI est vierge. Qui dit? OK, balance, 23 septembre au 22 octobre, mon signe ça. Hyper sociable, capricieux et frivole, narcissique et vantard. Il me vient donc deux noms en tête, Justin Trudeau puis moi. Mais si on me place devant Trudeau dans un ring, c'est lui qui tiendra pas un round parce que la balance penche de mon côté. Le scorpion, 23 octobre au 21 novembre. Le scorpion manque de souplesse, ce qui en fait un être difficile à diriger. Il n'hésite pas à détruire pour mieux reconstruire. Il est beau et s'exprime mieux que Denis Lévesque. Tu es le cauchemar magnifique de cette société, Gabriel Nadeau-Dubois. Notre scorpion rouge. Sagittaire, avant-dernier signe, 22 novembre au 21 décembre. Donc ça, c'était juste avant les fêtes. Spontané, optimiste, pacifique, spirituel, original, aime à donner de la joie autour de lui. Le Sagittaire est parfait. En conséquence, la moitié du monde l'adore, l'autre moitié l'haït. Son prototype est Ricardo Larrivé. Grégory Richard. Ça a quasiment pas sorti de ma tête. Et le signe présent, Capricorne, donc du 22 décembre au 19 janvier. Prudent, réservé, méfiant, astucieux, nerveux, mais ambitieux. Vous avez joué avec le feu depuis des années, mais vos manigances seront bien vite étouffées par votre très efficace cercle social. Bienvenue à la commission Charbonneau. Voilà, c'était votre horoscope. Je vous souhaite une belle année 2013 et on se reprend pour une meilleure chronique la prochaine fois. Merci, Mystique, Madame Merci. Dulude. Mystique. Ça m'a fait plaisir. Oui. C'est assez très apprécié. Aux deux semaines, mais hein, tous les lundis à 8h en alternance avec Véronique Mire. Tout à fait. Voilà. Merci encore. On prend une petite pause. On revient avec la chronique d'Alexandra Carignan, le temps d'une culture à assemblage requis. C'est là. C'est assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le plan de demain à assemblage requis. Michel Lebrun nous parlera de justice et du domaine judiciaire dans sa chronique panier à salade. Et Angélie Durocher nous suggérera des choses à voir et à entendre avec son segment L'Index. C'est demain 7h, assemblage requis. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage requis. Toujours sur AsRec avec François Marchand et Simon Fitzbé, toujours là aussi. De toute façon, c'est prononcé, moi je fais attention. Ça pourrait te défaire les fessiers. Non, mais AsRec, ouais, c'est... AsRec. Et Alexandra Carignan qui est là aussi. Ben oui, bonjour. Alex Carr, ça bonjour. Va? Alex Carr. C'est moi ça. Je trouve des surnoms à tout le monde, puis ça dérange les gens, je pense. Hein? Ben ça fait juste comme on dirait que je pimpe un char dans l'émission. De... donc là, voici Alexandra Carignan, sa chronique Le temps d'une culture. Est en forme? Ben oui, mais en fait, cette musique-là me rend en forme. Okay. Elle saute partout. Je l'aime beaucoup, ma chanson d'entrée. Ouais. Est-ce que tu as entendu ton bonjour de la vie de croisière de Sandra Jorquie tantôt? Ben oui, j'ai entendu ça, certain. C'était gênant, hein? C'était drôle. Pris en train, je me suis demandé à un moment, est-ce qu'ils savent que c'est pas eux qui jouent? Je savais pas c'est quoi, j'ai manqué l'introduction de la capsule. Je suppose que c'était comme l'histoire de Sandra Jorquie. Ça faisait un bouquet qui avait pas eu lieu le début à ce moment-là. Okay, c'est bon. Donc, Alexandra, t'es là pour le temps d'une culture, c'est-à-dire on parle d'art et spectacle. Hein? Le temps d'une culture. Et là, le temps d'une culture, cette semaine, il se passe à l'UQTR. Je vais vous expliquer pourquoi cette semaine ma chronique parle du spectacle de la rentrée de l'UQTR. Bon, vous vous dites spectacle de la rentrée, on est au mois de janvier. Eh bien, cette année, suite à plusieurs recommandations que la GEUQTR avait reçues, ils ont décidé de faire un deuxième parti de la rentrée. Donc, bonne idée. Une très bonne idée. Oui. Il y en a eu un premier en septembre. où est-ce qu'on a pu voir, divers groupes de Orange Orange, les Orange Orange, Irish Bastard, Carl Wolf, bref, plein de bons groupes. Moi, j'étais beaucoup là. Ça, c'était à la rentrée. La rentrée en septembre, exactement. C'est ce qu'on a vu. Et là, si vous vous en rappelez, ils étaient aussi sur deux plateaux. Il y avait les Irish Bastard à la Chasse Galerie, ouais, et Orange Orange et Carl Wolf au 10-12. Ségrégation. C'était aussi une première. Et ça, c'est cette idée de deux plateaux-là. Pour plaire au plus de gens possible. C'est ça, c'est pour plaire au plus de gens possible. On crée deux univers musicaux d'un bord et de l'autre. Et comme ça, on va rejoindre le plus de gens possible. Et ils ont décidé de reprendre la même formule en janvier avec leur idée de continuation du party de la rentrée. Et comme défaite, il va y avoir... il va y avoir la Chasse-Galerie où il va y avoir deux groupes de punk rock acoustique. Tandis que dans le 10-12, il va y avoir de l'espèce de pop R&B. Je vais vous en faire écouter tantôt. Il y en a vraiment pour tous les goûts, là. Je veux dire, normalement, quelqu'un se sent interpellé par un des groupes. Je dis normalement, moi, pas personnellement, mais ça arrive, là. Je veux dire que ça arrive pas. Vous avez été servi, si vous n'aimez pas ça en janvier, vous avez été servi en septembre avec Orange Orange. Mais bon. Alors, les groupes sont quand même très, très, très intéressants. Il y en a quatre. Premièrement, au 10-12, il va y avoir MTL et Danny Fernandez. MTL, si ça vous dit quelque chose, mais pas plus. Moi, ça me dit quelque chose. C'est un succès ailleurs, mais ça, pas je plus. Pense. C'est une petite chanson, une single, non? Écoute, si je te chante juste... Tu peux pas voler mon soleil. En tout cas, moi, ça m'a interpellé. Hein? Et ça l'a joué sur les grandes radios commerciales cet été. C'est ça. C'était bien populaire, apparemment. Ben oui. Ça et tout ce qu'il me faut. Et c'est une drôle de tendance, ce groupe-là, que je comprends pas vraiment, mais que c'est quand même intéressant. Qui font des tunes semi-anglais, semi-français. Tout le monde, hein, avec un petit featuring d'une chanteuse. Ah, mais là, c'est pas, mettons, Edley featuring la chanteuse de Star Academy. OK. Ce sont juste des gars de Montréal qui chantent semi-anglais, semi-français. Ah là, Simple Plan fait ça, je pense aussi. Puis non, il n'y en a pas d'autres qui font ça. Oui, Simple Plan a fait ça avec Sean Paul récemment. Voilà. Effectivement. Ça passe bien, ça passe dans les quotas franco. Ça, ben, en fait, c'est ça. Je pense que c'est une tendance là, qui se met. C'est pour ça, c'est clair. Justement pour les quotas franco. S'il veut jouer. Et moi, ça me donne un peu parce que d'habitude, les chansons, tu sais, je les écoute en version originale. Puis quand j'arrive sur la radio, il y a une espèce de featuring de filles qui poussent un peu trop sa voix. Mm-hmm. OK, parce que la version originale. Ah oui, oui. Ben, pas pour MTL, mais okay. Mettons qu'on parle de Andy Grammer, de Edley, justement. C'est des chansons qui, normalement, sont pas. Donc, pour le Québec seulement, ils ont mis une pour voix le Québec, francophone. Comment ils, okay, ont, okay, seul, okay. Ils ont remplacé des couplets pour les mettre par une chanteuse. Chante en français. Chante en français. C'est un genre. Moi, je veux ça. Mais c'est pas grave. Mais MTL, franchement, c'est vraiment bon. Là. C'est quand même très, très pop, très souriant. Ça, c'est très pas accrocheur. Ça. Moi je suis bien quétaine. J'aime bien ça. Et j'aime encore plus Danny Fernandez. Oh. Danny Fernandez, qui est très, très, très connu dans le Canada anglais, un peu moins au Québec, mais moi, c'est peut-être pas ma culture. Enfin, peut-être que c'est connu, je ne sais pas. Mais quand même, c'est le petit frère de Sean Deschman. C'est qui ça? Sean Deschman. Qui ça? En tout cas, Sean Deschman, qui est un chanteur R&B canadien anglais un peu plus connu, ben, c'est le frère de l'autre. Okay. C'est ça. Donc, Danny Fernandez, le frère de Sean Deschman. Mais quand même, il a fait un featuring qu'on va aller écouter dans l'environnement. Hit Me Up, avec en duo avec le chanteur Josh Ramsey, qui est le chanteur de Mariana's Trench. OK. Moi, que j'adore beaucoup. Ouais. Là. D'ailleurs, c'est ça qui m'a vendu la chanson. Alors, Mariana's Trench, qui est une espèce de groupe un peu à la Simple Plan, là, pop punk rock. Là. Mm-hmm. Donc, Hit Me Up... Ça, c'était... Pop, pas de guillemets, rock en guillemets, puis punk en guillemets. C'est un peu ça, oui. Et Hit Me Up s'est rendu quand même dans le top 30 Billboard canadien en 2011-2012. Donc, c'est quand même, là, on n'a pas n'importe qui. Mais c'est un peu dans la même vague que Carl Wolf en septembre. Je pense que la GEQTR, en tout cas, moi, j'ai... J'ai vu ça en septembre. J'ai jamais vu autant de monde à un party de la rentrée avec Carl Wolf. Ça marche, donc. Je pense qu'ils ont retenu la donne. Et ça me surprend beaucoup, par exemple. Ah ouais, ça te surprend. Ben, personnellement, oui. Moi, je pensais que cette soirée-là allait être un flop totalement. Écoute, parce qu'à l'habitude, les années passées, c'était un peu des flops. Mais à l'habitude, ils allaient chercher des groupes un petit peu underground. Ouais. Ouais, c'est ça, mais en même temps, je sais pas, ça me surprend que, en fait, les étudiants de l'université écoutent ce genre de musique-là. Mais non. Non, mais. Mais en fait, c'est ça, c'est que. C'est ma surprise que je vous exprime, là, si, oui, ben en fait, c'est que si on se fie aux gens qui se tiennent à la Chasse-Galerie, à la GEQTR, C'est pas les auditeurs de C'est fou nécessairement. C'est ça, c'est pas les auditeurs de C'est fou. Et la majorité de l'UQTR vont écouter de la chanson beaucoup plus commerciale. Top 40. Top 40, exactement. Moi, Carl Wolf, je le connaissais pas tant. Et je me suis rendu compte que j'ai tellement d'amis qui connaissaient ça, qui avaient leur CD. Oui. Et ça joue beaucoup dans les bars, en fait. Ben oui, c'est là que les gens se tiennent. Dani Fernandez, c'est la même affaire. C'est même genre. Tout le même moule. Et ça joue aussi dans les bars. Okay. Donc, quelqu'un qui connaît un petit peu la musique de club. Je suis déconnecté. Ben, on est un peu biaisé, François, c'est normal. Non, c'est pas la vieillesse. On est biaisé, on travaille dans une radio universitaire qui joue de la musique de qualité. T'sais, avec Simon, on peut comme diviser la salle, désolé. C'est Alexandra, avec le monde qui aime la musique underground, puis le monde qui a. Tu sais, un petit peu. Moi, je suis comme une transsexuelle. Comme un transgenre musical. C'est ça. Voilà, j'aime ça. Ben, fait que c'est ça. C'est une grande partie des étudiants, et d'après moi, Dani Fernandez va beaucoup, beaucoup pogner. Ouais. Selon moi. Mais bon. Si vous vous dites, là, ben là, voilà, de qu'est-ce qu'on parle, là, dehors, ennemi, là, on va aller écouter, justement, Dani Fernandez avec son excellent Hit Me Up featuring Josh Ramsey. Parfait, on écoute ça, Assemblage Requis. Same song too long, remix. It's done for me when it comes to me. Without you, I'm living comfortably. Now here's a couple Z's, put this one to sleep. And out the 5, 4, 3, 2, 1 for me. Alors, c'était Hit Me Up de Danny Fernandez featuring Josh Ramsey. Là, si vous vous demandez, mais qu'est-ce que c'est ça qu'ils jouent? À Assemblage Requis sur ses fous 81. C'est parce qu'ils seront en spectacle ce mercredi, donc le 16 janvier, au spectacle de leur entrée de l'UQTR. Leur première partie, je vous le rappelle, c'est MTL, un groupe québécois qui chante semi-anglais, semi-français, du pop encore. Ça, c'est du pop R&B. Ce sera la première partie. Elle sera à minuit au 10-12. Ça va être bon. Okay. La première partie est à minuit ou? Non, je me suis mêlée. Hein. MTL, c'est à 10h30. Okay. Danny Fernandez, c'est à minuit. OK. Ça, c'est du côté du 10-12. OK. Donc, dites-vous, 10-12, party, Danny Fernandez. Dance floor, Danny Fernandez, 2D. Oui, ça en fait, les amateurs de club, là, c'est au 10-12 qu'ils vont aller. Tout le temps. Oui, exactement. Ben, c'est souvent tout ça, sous l'autre mer. C'est comme ça que ça se passe. Et ça, c'est gratuit pour les étudiants? C'est gratuit pour les étudiants. Okay. C'est 10$ pour les non-étudiants. OK, parfait. Alors, ben, ça, c'est gratuit pour les étudiants. Je veux dire, on ne vous reconnaît pas toutes. Il faut que vous ameniez votre carte étudiante. Ouais. Alors, si vous dites, ouais, maintenant, j'ai pas ma carte, mais tu fais 10$. C'est bien un étudiant typique. Et voilà. Et du côté de la chasse-galerie, ça va être du punk acoustique, donc The Option et The Matchup. The Option qui est un groupe québécois, en fait, c'est les deux sont québécois, The Option de Tetford Mines. Et les gars viennent à l'université? En fait, c'est les anciens récréateurs. Ah, c'est les anciens? OK. Ouais, on parle de The Option. On parle de The Option, okay. Exactement. Qu'est-ce que, si vous vous demandez, c'est quoi du punk pop acoustique? Mais en fait, c'est l'espèce de punk juste deux guitares. Ouais. Globalement, là, c'est pas mal ça. Je vais vous en faire écouter tantôt, vous allez voir, là, c'est bien, bien le fun. The Option, qui vient de Tetford Mines, qui a été créé cette année, mais un très, très bon groupe pareil. Donc, c'est pas parce qu'ils sont récents qu'ils sont mauvais. Ils sont très, très bons. Et le groupe principal, ça s'appelle The Matchup. Eux viennent de Sainte-Thérèse Represent. Et c'est deux anciens bassistes qui se sont convertis à la musique acoustique. C'est très, très bon. Et d'ailleurs, on va aller écouter justement The Matchup avec la chanson Roll Coaster. Assemblage requis. I still carry on, but I don't know how. But I don't know just how long I'm gonna last. They just won't go by. They are the same, yeah. They are the same as what they were just yesterday. I might be different. I'm not the same. But I'll keep on walking straight, yeah. Cause I know the way. There's playing with my feelings deep inside of me. A roller coaster I never meant to last. The fastest days are going by. roller coasters, playing with my feelings deep inside of me. A road that I never meant to last. Fast as days going by, I just can't seem to stop. Direction that I've been taking, oh, can't be wrong. On vient d'entendre Roller Coaster du groupe The Matchup Punk Pop Acoustique qui sera en spectacle ce 16 janvier, le 16 janvier prochain, donc ce mercredi. Oups. Et à la Chasse Galerie. Oui, à la Chasse Galerie. Donc je vous récapitule là, pour le spectacle à la rentrée mercredi de cette semaine. Il y a deux plateaux. Il va y avoir le 10-12 avec MTL et la partie principale qui est Danny Fernandez. Et la Chasse Galerie qui va y avoir The Option et la partie principale qui était The Matchup qu'on vient d'entendre. Les portes vont ouvrir à 9h30 et les spectacles de première partie vont commencer à 10h30. Pour ce qui est des spectacles principaux, donc Danny Fernandez et The Matchup, ils vont débuter à minuit. C'est gratuit pour les étudiants de l'UQTR sur présentation de la carte étudiante et 10$ pour les non-étudiants. Donc, c'est pas mal le résumé de tout ça. Ça vaut la peine. C'est gratuit pour les étudiants. C'est, écoute, la bière est pas chère, autant de 10-12 qu'à la chasse. Et ça permet justement là, de passer du bon temps là, avant de commencer la session. Donc, les amateurs de club, le 10-12 et les amateurs de punk, la Chasse Galerie. Oh oui! C'est bon? Voilà. Non? Je pensais que tu allais dire quelque chose. Les amateurs de bonne musique, ben, chez vous. Hey! Écoutez, c'est fou. Écoutez, c'est fou. Ben, c'est ça. C'est pour un public différent du nôtre. Ben mais oui, ben c'est ça. On peut s'ouvrir les horizons autant que les étudiants devraient s'ouvrir les horizons. ça va des deux mais sens. Mais ils le font pas, même. Non, on le fait pas vraiment plus, hein, en regardant notre attitude envers tes choix musicaux ce matin. Mais Simon, non, on a vraiment été fixés au spectacle à rentrée quand il y avait genre 6 personnes en orange-orange et qu'il y en avait normal, 800 à Galway. On a beau avoir mal à jupe, tu sais, qu'on a eu une année à un moment donné, Vincent Vallière. Carquois était là. 40 personnes à Carquois. Tu sais, imagine comment t'as manqué quelque chose si t'as raté Carquois à l'UQTR, mais... Il y avait plus de monde qui buvait de la bière dehors qu'au saut de Carquois. Fait que je les comprends vraiment beaucoup. C'est juste décevant de la population étudiante, je trouve. Je pense que le meilleur, par exemple, ça a été Mystère Valère. Ah, oh, qui a rejoint énormément de monde. Ça, c'est au carnaval? Je sais pas. Je suis toute mélangée au spectacle. Parce que c'est ça, Mystère Valère sont venus deux fois. Genre, ouais, ils sont vraiment collés. Je pense qu'ils sont venus au carnaval mais, aussi. Au carnaval, il y a un show de rentrée. Rentrée. Est-ce qu'il va y avoir quand même un spectacle de fin de session? On sait pas encore. Non, d'habitude, il n'y a jamais ça. Non, je pense que non, ça a été remplacé. Non, mais il y avait ça il y a plusieurs années, je me rappelle qu'il y avait des... Oh, oui, ben, maintenant, en fait, c'est beaucoup remplacé par le party... De la rentrée. Du temps, des affaires de même. Ouais. C'est ça. Ouais. Puis ils font des espèces party de... Party F1, c'est ça, il y a le Frosty. F1, le Frosty, le Foam. Fait que le Foam, je pense que ça en vient là, vers la fin de... Je sais pas. Allez-y donc. Moi, l'habitude, donc. Là, je vais prendre un café. Ce qu'on sait, c'est ça, c'est le café Belize dans le temps du carnaval. Oui, c'est ça, on le sait. C'est une tradition qui reste. Cette année, ils n'ont pas de spectacle. Ah, c'était meilleur quand c'était du café cognac. Je pense qu'on est rendu avec deux conversations séparées. Ouais, on va finir là-dessus. Ils vont y aller, les gars. Simon et François qui s'en partent. Donc, Alexandra? Non, mais je disais que cette année, il n'y avait pas de spectacle au carnaval. D'accord. Non, c'est un humoriste à la place. François Bellefeuille. Ben non, monsieur, l'humoriste, c'est là chaque année. Ouais. Cette année, mais c'est remplacé par un DJ le lundi. Normalement, il y a tout le temps un spectacle de groupe de musique. DJ Simon Fitzbé! Au platine! Ben, justement, Simon Fitzbé, est-ce que tu es encore DJ? Est-ce que tu fais encore du DJing? Rarement. Ouais. Non, c'est, ça arrive plus, mais ben. Bon, je vais te laisser faire des plugs. Toi, est-ce que tu as des plugs à faire, Alexandra? Est-ce que tu as de l'impro ce soir? Oui, ce soir, ben, oui? J'en ai pas, mais il y en a pareil. Oui, c'est ça. Ce soir, à la Chasse Galerie, 20h, la Luître, c'est les Roses qui affrontent les Verts. Oh. On revient en force après un match qui était délirant ce jeudi passé contre le Kick de Québec. On commence la saison ce soir à 20h. C'est gratuit, c'est de l'improvisation, c'est super bon. Alors, Chasse Galerie, la bière est pas chère, un peu. Merveilleux. Et voilà. Super. Merci, Alexandra. Merci. À lundi ça prochain. Ça fait plaisir. Ben oui. 8h30? Oui. Good. Alors, on écoute Atomic Baobab. Voici leur bon vieux succès Bombe Cérébrale. Ça, c'est de la bonne musique. Les autres-ci sont déjà venus en show à 8h. Il y a personne sûrement. Mais c'était bon. Je te dis que si la vie était comme ça, y'en aurait pas de problème. C'est ça que je me dis chaque matin que je regarde mes fourmis à même. Le trafic jam, il faut que ça calme. Un pied devant l'autre, bien sourire ma carte. Pièce bombe cérébrale d'Atomic Baobab sur leur album Le Viewmaster. Et c'est là-dessus que se termine cette édition d'Assemblage Requis, notre 499e. On n'est pas du genre à mentionner les numéros d'épisodes parce que tout le monde s'en sac complètement. Et je sais que l'auto-félicitation et l'auto-tape dans le dos et congratulations. C'est vraiment pas mon fort non plus, mais bon, ça me tentait de faire ça. C'est ce que je vous ai passé tout à l'heure, un malaise si proche. Vous allez pouvoir retrouver cette émission-là du canal et sur assemblagerequis.com. Notre mois de janvier épique continuera demain avec toujours une nouveauté par jour. Et demain une grosse émission. Demain est quand même majeure émission là, hein, c'est ça. On a Michel Lebrun demain? Oui, tout à fait. On parle de justice. Hein. Le mardi, on parle de justice. Oui, tout à fait. Et à 8h30, on aura bien évidemment Anne-Julie Durocher. Ah oui, ça c'est vrai. Avec l'index. Et je vous présenterai une autre nouveauté que je vous annonce jamais à l'avance, donc ça va être une nouvelle chronique de moi. Demain. Pour ça, faut l'écouter! Oui! Si ça vous tente, là, je comprends ceux qui veulent lâcher après 10 minutes de mon montage. Normal. Je comprends ça. T'as long. Donc, restez à l'écoute pour les dîners de con avec Danny Janvier à partir de 11h. Et puis, le reste de notre programmation merveilleuse continuera toute la journée. C'est fou.ca. Simon, qu'est-ce que c'est? Faites bien qu'il bouge les épaules. Je ris d'une façon expressive. OK. Merci, Simon. De rien, merci. Merci à vous de m'avoir... Raccueilli. Un peu raqué, mais raqué. Ah, d'accord. C'est des cuisses. Ouais. Et le dos. Merci à Alexandra Carignan. Merci à Sébastien Dulude. Merci Dulude, oui. Merci à toi, François-Louis Marchand. Merci, Mathieu Plante. Ouais. Ce qui est avec Fox de Karim Ouellet. Moi, Mathieu, ça fait que genre comme ça. Puis. Hi, bye. Tapis dans les herbes hautes, je n'attendais pas quelqu'un d'autre. Oh.